La solitude. Dans ce val solitaire et sombre, le cerf qui brame au bruit de l'eau, penchant ses yeux dans un ruisseau, s'amuse à regarder son ombre. De cette source, une naïade, tous les soirs ouvre le portail de sa demeure de cristal et nous chante une sérénade. Les nymphes, que la chasse attire à l'ombrage de ses forêts, cherchent des cabinets secrets, loin de l'embûche du satyre. Jadis, au pied de ce grand chêne, presque aussi vieux que le soleil, Bacchus, l'amour et le sommeil firent la fosse de Silène. Un froid et ténébreux silence dora l'ombre de ses ormeaux, et les vents battent les rameaux d'une amoureuse violence.